na misalimia imangaribi mujina wa Yesu Kristo. La pluie doit faire son travail. Mvua inapaswa kufanya kazi yake. C'est ce qui est normal. Na ile iko katika sawa. Et Dieu l'a prévu ainsi. Mungu ya itarisha vile. Nous aussi nous devons faire notre travail. Nasi tunapaswa kufanya kazi yetu. On ne peut pas empêcher Dieu d'envoyer la pluie. Atuwezi kukataza Mungu aache kutuma mvua. Et nous ne pouvons pas empêcher. Nashi atuwezi kuzuizwa. Dieu d'envoyer sa bénédiction dans nos âmes. Kukataza Mungu atume baraka yake mwanafsi yetu. Sans tarder, levons-nous pour la prière. Bila kukawia tusimame juu kuomba. Ouvrons nos Bibles. Tufungule ma Biblia yetu. Dans Proverbe au chapitre 28. Mezali surake makumi mbili na mnane. Proverbe au chapitre 27, s'il vous plaît. Mezali surake makumi mbili na saba. C'est l'écriture que nous avons lue hier. Niandiko ile tulisoma jana. Dans son verset 9. Mumustara ya tisa. Et nous prendrons premier roi au chapitre 12. Na kishake tutachukua barua ya kwanza wa falme sura ya 10. Dans son verset 6. Mumustari yake ya sita. Nous prions. Tutaomba. L'alpha et l'oméga. Alpha na omega. Toi, le Père de tous les esprits. Oui, Baba wa maro yote. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cet après-midi. Tunakupigia asante sana mangaribi ya leo. Parce que tu as envoyé la pluie aux agriculteurs. Je unatuma mvua kwa balimaji. Et selon ta parole, il est dit. Nakufuatana na neno lako inaandikwa. Tu ne peux pas envoyer une pluie. Awezi kutuma mvua. Sans qu'elle n'ait accompli le pourquoi tu l'as envoyé. Bila yo ipate kutimiza kifukuzio ya ile ulitumia. Nous sommes ici pour écouter ta parole. Nasi tuko hapa juu kusikiliza neno lako. Envoie la même bénédiction spirituelle. Utume vile vile baraka ya kiroho. Pour qu'en sortant ici, nous puissions glorifier ton nom. Juu pashi kutoka hapa tusifu jina lako. Bénis chaque frère et chaque sœur. Bariki kila nduku na kila dada. Pour le grand sacrifice qu'il a fait. Jua kujitoa kukubwa kule alita kufanya. En se faisant mouiller. Yeye kufika mkipima kulubana. Pour venir recevoir une portion de ta part. Jua kwa kupokea sehemu moya yako. Bénis chacun de nous d'une manière particulière. Bariki kila moja wetu mnamo na kipekee. Et bénis toute l'église en particulier. Na ubariki kanisa yote mkipekee. Bénis la parole qui sera lue. Bariki neno itasomewa. Du début à la fin soit honoré. Kumwanzo na kumwisho heshimiwe. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Premier roi au chapitre 12. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été avec Salomon, son père, pendant sa vie. Roboam akakutanisha wale bakubwa barishi na babake wakati ya uzima wake. Il dit, na akawaambia, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Ni shauri gani munanipatia juu nipate kujibu kwa watu hawa? Et voici, il lui dit, Natazama baka mwambia, si aujourd'hui tu rends service à ces peuples, kama leo hii, unatumikia babantu, si tu leur cèdes et tu leur réponds par des paroles bienveillantes, kama unabasikilia na unabajibu na misemo mwa mzuri, ils seront pour toujours tes serviteurs. Batakuwa kwa lote batumishi yako. Mais Roboam laissa les conseils que lui avait donné les vieillards. Lakini Roboam akacha shauri ile bazee balimpatia. Et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Na akaenda kuuliza bale babijana balikomea pamoja naye na balimzunguruka. Balikuwa kando kando yake. Dans Proverbe au chapitre 27. Mu kitabu ya Mithali sura ya 27. Dans son verset 9. Mu mstari wake wa 9. L'huile et les parfums réjouissent le cœur. Mafuta na manukato inafurahisha moyo. Et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Na mashauri ya pendo ya rafiki iko na upole. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana ongeze mabaraka kusome maneno lake. Pour nous, le quorum est déjà atteint. Kwetu sie bwingi ya bantu inenea. Parce que la Bible dit, kwa maana Biblia inasema, là où s'assemblent deux ou trois à mon nom, moi je serai au milieu d'eux. Pahali pale batakusanyika bawili ama watatu mujina langu mi takuwa kati. Et ici nous sommes plus que deux. Na hapa tunapita bwingi ya bantu mbili. Et la parole de Dieu doit être apportée. Na neno la Mungu inapaswa kuletewa. Nous avons commencé à montrer hier comment le royaume d'Israël fut divisé en deux. Tulianza kuonesha tangu jana namna gani ufalme wa Israeli ulikabuliwa vipande viwili. Le chapitre 12 du premier roi, sura 12 ya wafalme wa kwanza, nous a révélé le comportement de Roboam, fils de Salomon. Ilitufunulia mwenendo ya Roboam mwana wa Salomoni. Comme Dieu voulait accomplir la parole qu'il avait prononcée par le prophète venu de Silo, vile Mungu alipenda kutimiza neno alitangaza kupitia kinywa cha nabii wake yule alitokea kule Silo, à l'approche du peuple d'Israël pour chercher auprès du roi un allègement du joug, wakati taifa ya Israeli likaribia kando kando mfalme juu abapate bapungushia makazi, le roi répondu avec dureté et cela amena le peuple à se révolter. Mufalme akawajibu na ukali wote na ile risukuma taifa ipate kumtombokea. Nous avons beaucoup insisté hier pour dire ceci à chaque frère et à chaque sœur. Tukazisha jana kusema hivi kwa kila nduku na kwa kila dada. En tant que fils et fille de Dieu, kama vile bana na binti ba Mungu, nous devons avoir un discernement juste et correct. Tunapaswa kuwa na kutambua kwa haki na kwa mzuri dans chaque conseil qui nous est donné par quelqu'un. Mukila shauri mtu fulani anatupatia. Nous ne pouvons jamais accepter un conseil qui nous pousse à briser la parole de Dieu ou à aller loin de la volonté du Seigneur. Atuwezi kamwe kukubali ile shauri na tusukuma tuvunje neno la Mungu au twende mbali na neno la Mungu. Nous ne sommes pas dans l'obligation d'accepter un conseil de méchant, un conseil impie. Atulazimishe kupokea shauri ya bantu babaya, shauri ya batenda nzambi. Que ces conseils viennent de votre père, de votre mère, de n'importe qui. S'il est opposé à la parole de Dieu, abandonnez cela, parce que cela vous créera des ennuis. Hata kama ile shauri inatokea kwa baba yako, kwa mama yako, au kwa mtu yoyote, ikikusukume utumbuke sauti ya Mungu uiache. Mais il est de notre devoir, en tant que fils et fille de Dieu, lakini ni mapacha kwetu benye kuwa bana na binti ya Mungu, d'écouter et de recevoir des bons conseils sages. Ya kushikia na kupokea mashauri mzuri ya hekima. Des conseils qui viennent d'un ami, mashauri ya kutokea kwa rafiki, un homme qui vous chérit, mtu ule anakupenda, un homme qui ne veut pas te voir dans un malheur ou dans une difficulté, mtu ule asikupende akuone katika ole na magumu, un homme qui veut te voir dans la joie, mtu ule anapenda kukuona katika furaha. Il donne des conseils de paix. Et na kupatia mashauri ya salama. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mbariki. Nous vous avons dit hier. Uliniambia jana que n'acceptez jamais un conseil de quelqu'un ya kama usitike kama shauri ya kutokea kwa mtu qui vous conduira à la vengeance. Ile itakusukuma nawe kulipishana kisasi ou à briser le cœur de ton frère ou de ta sœur. Au ya kuvunja moyo ya nduku yako au dada yako. Ou n'utilisez ni n'acceptez jamais de conseils. Au usikubali kamwe mashauri de quelqu'un qui veut t'utiliser. Ya ule mtu anapenda kukutumia wewe. Ou se venger de ses rancunes. Juu ye apate kulipisha kisasi kwa mambo yake yuko nayo. Non, bien aimé frère. Hapana banduku wapendwa. Non, bien-aimés sœurs. Abana badada bapendwa. Chaque parole kila neno qui brise le cœur de ton frère. Ya inavunja moyo ya ndugu yako. Qui brise le sentiment de ton frère. Inavunja mania ya ndugu yako. Qui attriste ta sœur. Ile inashirikisha dada yako. Qui trouble ta sœur. Inavurusha dada yako. N'est pas un conseil qui vient de Dieu. Aina shauri ya kutokea kwa Mungu. C'est un conseil impie qui vient de l'ennemi. Ni shauri mubaya kutokea kwa adui. Et ne le faites jamais. Na musifanye kamwe. Et ne l'acceptez jamais. Na musikubali kamwe. Comme toi tu ne veux pas qu'on te donne un mauvais conseil. Kama vile wa upende bakupatie shauri mubaya. Et n'acceptez pas de donner à quelqu'un d'autre un mauvais conseil. Na wewe usitike upatie mwingine shauri mubaya. Nous devons donner toujours de bons conseils. Tunapaswa kuleta wakati wote mashauri mazuri. Qui amène la paix. Ya kuleta salama. La tranquillité. Ya kuleta salama. La communion. Ushiriki. La joie. Furaha. La douceur. Upole. Dans le cœur de celui qui le reçoit. Mioyo ya bali bene ipokea. C'est ainsi que nous avons dit hier. Tulisema jana. C'est seulement les conseils qui sont conformes à la parole de Dieu. Mpaka tu ile mashauri ya kupatana na neno la Mungu. Obligé d'accepter peu importe. Joto la lazimisha kuipokea izuru nini. Mais avec les conseils qui viennent des hommes. Lakini mashauri yote kutokea mubanda. C'est un conseil à prendre ou à laisser. Ni shauri utaweza kubeba au kuyacha. Vous les jugerez selon la conduite de votre cœur. Utaamua kufuatana na uongozi wa moyo wako. À condition que ce soit un conseil qui pourvoie ta paix et la paix des autres. Isipokuwa tu ni shauri ya kuleta salama kwako na maendeleo kwako. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Roboam. Roboam. Après avoir accepté le conseil des jeunes gens de son âge. Kisha yeye kupokea shauri ya babiana ya miaka yake. Il a lui-même divisé son royaume. Ni yeye mwenyewe ndio aligawanya ufalme wake. Bien-aimés frères et sœurs. Bapendwa ndugu na dada. Frère Branham a toujours dit une chose. Ndugu Branham anasemaka wakati yote kitu fulani. Il dit souvent les enfants. Anasemaka wakati yote. Batoto. Il dit les enfants. Batoto. Aime rester avec les enfants. Banapendaka babakie pamoja na batoto. Parce qu'ils ont des choses en commun. Ju beko na bintu vya pamoja. Un enfant naturellement aime jouer. Mutoto, kwa kawaida anapenda kucheza. Mais lorsqu'il est à côté d'un homme adulte, lakini wakati yuko kando kando mtu mkubwa, l'homme adulte lui demande plus de la discipline et de la tranquillité. Ule mtu mkubwa yeye atamlomba utaratibu sana. C'est quelque chose qui n'est pas dans l'enfant. Kile kintu hakina ndani ya mtoto. C'est pourquoi vous verrez. Jo kwa maana utaona. Si vous remarquez qu'un enfant s'approche d'une personne adulte. Kama unaona kama mtoto anakaribia mkubwa. Cela signifie que cet enfant a un intérêt auprès d'un homme adulte. Maana yake ule mtoto yuko na faida kwa ule mtu mkubwa. Il est en train de pourchasser quelque chose qu'un homme adulte a entre ses mains. Yuko na kitu kimoja anafukushia kile mtu mkubwa yuko nacho mikono yake. Mais dès que cet enfant la reçoit. Na wakati atakipata kile kitu. Il s'éloignera le plus tôt possible. Atenda mbali kabisa kabisa. Ou retourner dans son camp. Jua kurudia mkampi yake. Parce qu'il veut se sentir à l'aise. Jua napenda jioni kama yuko huru. Vous remarquerez les jeunes gens. Utaona babiana. Ils ont l'habitude aussi de marcher avec les jeunes gens. Na bobe kuna zoeja kutembea na babiana sabo. Pourquoi? Jua nini? Parce qu'ils ont des choses en commun. Jua bobe kuna vitu vya pamoja. Ils ont des causeries. Et les pensées de la même manière. Ils parlent des choses de leur âge qui les concernent. Tout à fait naturel. Mais lorsque vous rencontrez les vieillards, ils aimeront aussi être avec d'autres vieillards. Pour parler des choses qui les concernent. C'est difficile de trouver un vieillard dans la compagnie de jeunes gens. Non, bien mes frères. Naturellement, vous remarquerez que les pensionnés rester dans leur confrérie pour parler les souvenirs de la société. Vous remarquerez que les veuves aiment aussi marcher avec les veuves. Vous remarquerez que les prostituées aiment aussi marcher avec les prostituées. Ils ont des choses en commun. C'est pourquoi nous les chrétiens, il est aussi fondamental que nous restions avec les chrétiens, que nous marchions avec les chrétiens, que nous communions avec les chrétiens, parce que nous avons des choses en commun. Et ces choses que nous avons en commun, c'est Christ, la parole de vérité. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Je l'ai dit hier. Je le répète encore. Souvent dans la jeunesse, il y a beaucoup de fausses choses que les jeunes gens se racontent. Vous voyez, il y a beaucoup de fausses choses. Pourquoi? Les jeunes gens n'ont pas la réalité de la vie. Ils se racontent des choses imaginaires. Des fois des choses qui n'arriveront jamais dans leur vie. Ils espèrent voir les jours heureux. Mais des fois ces jours heureux ne viendront pas dans leur vie. Ils se mentent les uns les autres. Oui, bien aimés frères. Des fois ils disent c'est notre temps. Ils veulent s'amuser comme les jeunes. Mais vous devez toujours tirer attention. Parce que toutes les pensées qui se forment dans la jeunesse ne sont pas toujours la vérité. C'est pourquoi un jeune intelligent, une jeune fille intelligente, un jeune homme intelligent s'appuiera sur Dieu, s'appuiera sur la parole, parce que Dieu est l'unique personne qui a des conseils vrais et sûrs qui apporte la paix et le bonheur à tout homme. L'église est avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi un bon ami donnera toujours de bons conseils. Oui, bien aimé frère. Mais remarquez une chose. Lorsque le royaume d'Israël fut divisé, il ne resta que la tribu de Juda attaché à Roboam. Et Jéroboam, Jéroboam, les 10 tribus d'Israël, Aribeba ima kabila kumi ya Israël, comme cela lui avait été dit par le prophète Achiga. Ni paka vile Nabi Akia arimwambiaka. Celui qui venait de Silo. Ule aranza kutokea kule Silo. Lorsqu'il rencontra, alors qu'il était revêtu d'un manteau neuf, il divisa en 12 morceaux. Il prit 10 morceaux. Il donna à Jéroboam. Et il garda les 2 morceaux. Et effectivement, cette parole s'accomplit littéralement. Jéroboam est devenu roi d'Israël. Et il régnait sur 10 tribus. Et il avait choisi comme capitale la Samarie. Jéroboam régnant sur le royaume d'Israël, Yeroboam alitawala pa avec comme capitale na muji mkubwa la Samarie. Samaria. Et Roboam, fils de Salomon, Roboam naye mwana wa Solomoni, petit fils de David, Munka na wa Daudi, à cause de David, juya Daudi, Dieu lui donna le royaume de Juda, Mungu akamupa ufalme wa Yuda, et il conserva la capitale de Jérusalem. Naye alichunga mji mkubwa Yerusalem. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mibariki. Ainsi les deux royaumes apparurent. Na hivi kukaonekana ile maufalme mbili. Le royaume de Juda, ufalme wa Yuda, avec Roboam comme roi, na mfalme Roboam, et régnant sur ces deux tribus. Eko na tawala pa ile kabila mbili. Avec capitale Jérusalem. Mji mkubwa wa Yerusalem. Dieu avait agi ainsi. Mungu alitenda hivi. C'était pour conserver. Ilikuwa ni juu kumchungia. La royauté à David. Ufalme Daudi. Est roi selon son cœur. Ufalme kufatana na moyo wake. Et pour punir Salomon et Roboam. Na juu ya kuapiza Solomoni na Roboam. Jeroboam prit aussi l'autre capitale. Yeroboam naye akachukua mji mkubwa mwingine. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Suivez-moi très bien. Munifuate mzuri. C'est Dieu qui avait donné à Jéroboam la royauté et la domination sur les 10 tribus. Ni Mungu ndio alimpatia Yeroboamu ufalme na utawala pa ile makabila 10. Roboam n'avait jamais eu cette pensée qu'il serait même roi un jour. Yeroboamu yeba lwako kuwa ta na ile mawazo muroo yake akama atakuwa kama mfalme atashi kumoya. Roboam était un serviteur. Yeroboamu alikuwa ni mtumishi. Il était serviteur de Salomon. Mtumishi wa Solomoni. Son père était un des commandants dans le royaume de Salomon. Baba yake alikuwa mmoja wa majemadari mfalme wa Solomoni. Mais lorsque Jeroboam vint, lakini wakati Yeroboamu alikuja, il était un vaillant soldat lui aussi. Alikuwa naye ni jemadari mkubwa. C'est ainsi que Salomon l'établit comme chef. Ndio pale Solomon alimweka kama vile mkubwa. Parmi ses serviteurs. Katikati ya watumishi yake. Oui bien-aimé frère. Ya kweli ndugu mapendwa. Oui bien-aimé sœur. Ya kweli badada mapendwa. Jéroboam. Yeroboam n'a jamais été de la tribu de Juda. Yeba lwako kuwa wa kabila ya Yuda. La tribu dans laquelle Dieu avait placé la royauté. Mwile kabila mule Mungu ndio aliweka mo kifalme. Selon la volonté parfaite de Dieu. Donc Israël est devenu une nation. Wakati Israël ilikuwa sasa taifa. Après sa sortie de l'Égypte. Kisha kutoka mu Misri. Après que la terre promise le soit partagée. Kisha boku bakabula incha malako. Dieu avait donné à la tribu de Juda. Mungu alipatia kabila ya Yuda. La royauté comme héritage. Ufalme kama vile urithi yabo. Celui qui devait régner. Ule alipatia kutawala. Sur les 11 tribus. Ni bonjo walipacha kutawala ile makabila 11. Bien aimé frère. Ya kweli ndugu. Oui bien aimé sœur. Ya kweli dada mpendwa. Mais Jéroboam. Lakini Yeroboam. Ne faisait même pas partie. Achikukua hata wa la tribu de Juda. Ya ile kabila ya Yuda. C'était un Ephratien. Alikuwa ni mtu wa Ephrati. C'était un Ephratien. Alikuwa ni mtu wa Ephrati. Il venait de la vallée du Jourdain. Alitokea kule ku bonde ya Yordani. Et de cette vallée. Natokea ile bonde. Dieu n'avait jamais prévu une royauté. Mungu asikubatarishaka ko ufalme atashi kumoya. Alitokea mkabila moya. La royauté n'appartenait pas. Kule akobapachake kifalme. Mais Dieu voulait lui donner la royauté. Lakini Mungu alipenda kumupa ufalme. C'était pour punir Juda. Ilikuwa tu njia à cause du péché de Salomon. Tu es Zambi à Salomon. C'est vrai frère. D'accord Ndugu. C'est vrai ma sœur. D'accord Dadayang. Il voulait un peu. Aripenda. Briser le cœur. Apate kuvunja moyo. De la tribu de Juda. Ya kabila ya Yuda. De voir la royauté. Être ravi. Baone vile banabanyanganya ufalme. La royauté. Na ufalme. Entre les mains d'un simple serviteur. Inenda tu mu mikono ya mtumishi tu wa Mungu. Imaginez aujourd'hui. Tu es une bonne épouse. Weyo uko mwanamke tu mrembo. Une bonne épouse. Bibi wa ndoa mrembo. la femme d'un grand roi. Malkia, bibi wa mfalme mkubwa. Avec toutes les honneurs. Na maheshima yote. Vous voyez. Munaona? Mais. Sasa. Vous commettez une faute. Unafanya kosa. Par la voie de la désobéissance. Kupitia kutokutii kwako kwa bwana yako. Maintenant pour te punir. Na sasa jua kukuapiza. Le roi ton mari. Mufalme, mwenye kwa bwana wako. Prend l'une de tes servantes. Anaenda kubeba mmoja wa vijakazi yako. Il en fait sa reine. Anamufanya na kwa malkia wake. Il vous écarte de la royauté. Na wewe anakuondosha mkifalme. Quel sera tes sentiments? Ni ali kani takuwa mania yako. Vous serez la femme la plus malheureuse. Utakuwa bibi mwole sana. Toi qui étais honoré. Wewe kwa mheshimiwa. Toi qui étais la reine. Wewe kwa malkia. Toi qui étais glorifié. Wewe kwa mkutukuzwa kando kando ya bwana wako. Tu t'étais maintenant éloigné, écarté. Sasa unakuya mbali kule bana. Loin de la présence du roi. Mbali na uwepo wa mfalme. De tous les honneurs. Bana kutosha maheshima yote. Quelle humiliation. Ni kupelezeshwa kani. Haya kani. Ton cœur ne sera pas tranquille. Moyo wako haitakuwa msalama. Tu risques même de tomber malade. Utaweza na kunukula. Tu auras la tension. Tension itakupanda. Le sommeil te sera ôté. Hautakuwa na bushingishi tena. Parce que ta place. Dupoche yako. Est occupée par ta servante. Bana ibeba kwa kijakazi wako. Ouais bien mes frères. Mnaona bandugu wapendwa. Pourquoi même dans la vie ici. Ndio kwa maana hata maisha hii. Il ne faut pas commettre d'erreur. Usianze kufanya makosa. Si il vous arrive de commettre une erreur. Kama nakupitia unafanya kosa. Prenez soin de vous repentir rapidement. Beba mipango ya kutubu ndio. Et de revenir sur le bon chemin. Na kurudia mungu. Parce que la repentance. Règle beaucoup de problèmes même dans les couples. Ne soyez jamais orgueilleux. Une véritable femme. Bibi wa kweli. C'est toujours s'humilier. Yeye anajinyenyekezaka wakati wote. C'est vrai. Ni kweli. La reine Vasti. Malkia Vasti. En a subi les conséquences. Yeye alipata matokeo. C'est pourquoi. Soyez attentifs aux actes que vous posez dans votre foyer, aux actes que vous posez dans votre vie, aux actes que vous posez vis-à-vis de la parole. C'est vrai. Tu peux commettre un péché qui peut t'éloigner définitivement de la présence du Seigneur. Il t'a pointé chambari sana na uwepo wa Mungu. Je sais qu'un véritable élu, na mina yo akama muteule wa kweli, un véritable enfant de Dieu, né de nouveau et baptisé du Saint-Esprit, wa Mungu wa kweli, ne peut jamais commettre un péché impardonnable. Mais la question qu'il faut se poser est celle-ci. Lakini, swali, est-ce que tu es réellement né de nouveau et, wei, et baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que la renaissance et le baptême du Saint-Esprit que vous prenez, que vous prenez, n'est pas seulement une simple imagination. C'est pourquoi, avant d'avoir cette certitude, qu'on est élu de Dieu, un élu qui ne commettra jamais un péché impardonnable, pour être écarté de la présence de Dieu, veillez, soyez attentifs à des paroles, à tes actes. Pour ne pas être éloigné toujours de la présence du Seigneur. L'église est avec moi. Je me fais comprendre. Il ne faut pas dormir. Très important ce que je vous dis. Très important. Quand celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. C'est vrai. Dieu voulait punir. Retournons. Voyez, je vais aller ailleurs. Dieu voulait punir Israël, il voulait punir la tribu de Juda à cause du péché de Salomon. Mungu alipenda kuapiza kabila ya Yuda juu ya dhambi ya Solomoni. Alors Dieu, Mungu pale, a pris les 10 tribus comme je le disais. Il les donna à Jéroboam, serviteur de Salomon. Qui n'était même pas de la tribu de Juda. Dieu voulait seulement finir la maison de David. Que le Seigneur vous bénisse. Mais regardez. Ça, ça m'aune. Jéroboam. C'est Dieu lui-même. Mais Mungu est mwenyewe. Il lui avait donné la royauté. Alimupatia ile ufalme. Sainte, ni pas sa volonté. Aikukuya kupitia mapenzi yake. Ni pas la volonté d'Israël. Au kwa mapenzi ya Israeli. Il fut établi. Akawekwa. Voici les 10 tribus. Mufalme paima kabila kumi. C'est pas la volonté de l'Éternel. Kupitia mapenzi ya Mungu. Et lorsque le serviteur de Dieu, le prophète. Na wakati mtumishi wa Mungu nabii. Aïe est venu lui donner les 10 lui annoncer la nouvelle et lui donner les 10 tissus. Akia akakuya kumtangazia na kumpatia ile vipande manguo kumi. Il lui avait donné un très bon conseil. Alimupatia shauri mzuri. Il lui avait donné un avertissement. Alimupatia kalamusho. Parce que Dieu honore ses paroles. Kwa maana Mungu yuko naheshimia maneno yake. Écoutez. Sikilize. Prenons premier roi. Tubebe wafalme wa kwanza. Prenez premier roi. Wafalme wa kwanza. Écoutez les paroles de l'homme de Dieu. Msikilize maneno ya mtumishi wa Mungu. Premier roi au chapitre 11. Wafalme wa kwanza sura ya 11. Dans son verset 35. Mumustara ya 35. Jusqu'au verset 38. Mpaka makumi tatu na mnane. Mais lakini j'ôterai le royaume de la main de son fils. Minta tosha ufalme toka mkono wa mwana wake. Et je t'en donnerai 10 tribus. Na minta kupatia weye makabila kumi. Je laisserai une tribu à son fils. Minta acha kabila moya kwa mwana wake. Afin que David mon serviteur est toujours une lampe devant moi à Jérusalem. La ville que j'ai choisi pour y mettre mon nom. Je te prendrai. Et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi d'Israël. Maintenant écoutez. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable. Comme j'en ai bâti une à David. Et je te donnerai Israël. J'humilierai par là la postérité de David. Mais ça ne sera pas pour toujours. Vous voyez. Un conseil. Chahuri, un avertissement kalamusho, clair comme de l'eau. Ya wazi kama vile maji. Et même Jéroboam. Na Yerobo mwenyewe. Avec les paroles de Dieu dans ses oreilles et dans son cœur. Alisikia mashikio yake maneno ya Mungu. Ouvertement. Mungu anamwambia wazi wazi. Il dit toi Roboam. Anamwambia wewe Yerobam. Je vais te donner 10 tribus. Minta kupatia makabila kumi. Je vais t'établir roi d'Israël. Takuweka mfalme wa Israeli. Je vais laisser une tribu. Minta acha kabila moya. Au fils de Salomon. Kwa huyu mwana wa Solomoni. À cause de David mon serviteur. Ya Daudi mtumishi wangu. Et toi tu régneras. Na wewe utatawala. Si c'est que toi tu voudras. Pa ile yote utapenda. Vous voyez. Munaona. Mais à condition. Lakini isipokuwa tu. Si tu écoutes ma voix, kama unasikia sauti yangu, si tu observes mes commandements, unachunga amri yangu, si tu restes fidèle à ma parole, mwaminifu kwa neno langu, moi, je te bâtirai une maison stable en Israël. Quelle belle promesse. Malako kani mzuri. Quelle belle promesse. Malako kani mzuri. Ce n'est pas Jéroboam qui se bâtirait. Aina Jéroboam arapaza kujenga yeye mwenyewe nyumba ya Mungu. Qui devait bâtir une maison stable. Aripasha kumjengea nyumba msimamu. En Israël. Mu Israeli. Mais regarde ce que cet homme a fait. Tazama sasa kitu mtu alikuwa kufanya. Il a commis des erreurs. Alifanya makosa. Souvent les paroles claires. Wakati yote misemo ya wazi ne sont pas bien reçues par les insensés. Aipokelewe mzuri na bajinga. Nous l'avons toujours remarqué. Tunayonaka wakati yote. Kama nous conduisons l'église. Hata kama wakati tunaongoza kanisa hili. Tunashauri bantu. Deux fois. Wakati amini. On s'approche d'une sœur ou d'un frère. Unakaribia ndugu au dada. On lui donne un conseil clair. Unamupatia shauri ya wazi. Avec des instructions précises. Na maagizo ya wazi. Souvent les gens ne reçoivent pas. Wakati amini. Ces conseils là. Bantu wapokele mashauri. Correctement. Muzuri muzuri. Deux fois. Wakati ingine. Ils pensent que bena wajia kama on leur donne ces conseils pour les dominer. Bena bapachele mashauri ya kubatawala. Ou parce qu'on a un intérêt quelque part. Au kuko faida fulani pale. Ou c'est une cause inavouée. Au kuko mambo ma kufichama mule. Mais un homme après avoir, un homme ou une femme, après avoir reçu des conseils et des instructions. Lakini mwanaume au mwanamke kisha kupokea mashauri na maagizo. Et véridique. Ya wazi. Na ya kweli. Alors, kisha. Mais vous remarquerez. Mahali pa ye kutenda kufuatana na ile. Il soit sorti de ta présence. Utaona kama kisha ye kuondoka mbele hapo. Il agira comme si Dieu n'avait jamais parlé. Atatenda kama vile Mungu yeye bado kusema. C'est pourquoi beaucoup d'hommes. Donc kama na bantu ba mingi. C'est pourquoi beaucoup de femmes. Wanawake ba mingi. Vivent une vie malheureuse. Beko naishi maisha mateso. Parce qu'il ne sait pas discerner. Ce que Dieu fait. Kile Mungu anapenda. Ce que Dieu leur dit. Kile Mungu anabambia. Pour leur paix. Dieu salama yabo. Et pour leur joie. Na Dieu furaha yabo. Mais remarquez Jéroboam. Sasa mutambua hapa Jéroboam. Cet homme qui n'était pas de la royauté. Huyu mtu ashukukuye mukizazi ya ufalme. Après qu'il soit établi roi par Israël, kisha yeye kuwekwa mfalme na Israeli, il commit beaucoup de fautes. Akafanya makosa ya mingi. Il s'est dit lui-même en son cœur. Akasemea yeye mwenyewe roho yake. Bien que je suis devenu roi sur les 10 tribus, hata kama vile mimi nakuwa mfalme pa ima kabila 10. Le royaume pouvait toujours m'échapper. Au palme, tu n'as pas qu'à kunitosha mimi mikono yangu. Et retourner à la maison de David. Na imurudirie mu mikono ya Daudi. Yes, mes frères et sœurs. Bapenda ndugu na dada. Malgré la confirmation de Dieu lui-même. Hata vile Mungu alimhakikishia yeye mwenyewe. Jéroboam dans son cœur. Jéroboam mu moyo wake mule. N'était pas toujours sûr. Asikukua na hakikisho tu. C'est ce que Dieu lui avait dit. Ya kile Mungu alimwambia. Quelle erreur de cet homme. Kosa kani ya huyu mtu. Dieu lui-même l'avait rassuré. Mungu yeye mwenyewe alimhakikishia. Mais Jéroboam n'était pas sûr. Lakini Jéroboam hakuwa na hakikisho. Dans ses fausses méditations, mon âme n'a qu'à kutafakari. Il se dit, akajisemea yeye mwenyewe. Premièrement, kia kwanza, j'étais serviteur de Salomon. Mirikuwa mutumishi wa Solomon. Deuxièmement, kia pili, je ne suis pas de la famille royale. Mishine wa kizazi ya ufalme. Mais maintenant, on m'a établi roi. Sasa papa naniweka mfalme. Je ne sais pas ce qui se cache derrière les gens. Misho ekile bantu basha kutunga. Ces gens ici. Aba bantu hapa. Un jour. Siku moya. Ils pouvaient m'abandonner. Bataniacha. Et retourner. Na kumurudiria. À la maison de David. Kurudia munyumba Daudi. À qui appartient. Ni kwabo njo. La royauté. D'une manière légale. Ufalme bari bapacha kwa sheria. La royauté. Ni bonjo benye kwa na banapacha kwa na ufalme. Frère, quand je te donne quelque chose, elle est légale, non? Kama Mungu anakupatia. Mungu yeye anakupa. Ah, si Dieu lui-même te donne. Ça devient légal, non? Kinakuwa ndio kia sheria. Il n'avait pas usurpé le pouvoir d'autrui. Yeye kuibia ufalme. C'est lui-même qui avait donné à la maison de David la royauté, qui lui donne aussi la royauté. Ni Mungu ndio alimpatia ile ufalme. Et Dieu lui avait signifié. Na Mungu alimwambia, fidèle à lui. Ya kama anabakia mwaminifu kwake. Il lui établit une autre maison comme celle de David. Atamjengea nyumba mpaka ndani kwa Daudi. Ni Mungu ndio alisema. Mais il n'était pas sûr. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire. Je m'arrête un peu ici. Il y a des fois des femmes dans les couples. Il est déjà marié. Il est aimé. Donc elle est aimée. Mais elle reste dans la maison lakini kwa mwile nyumba ile sans conviction pasipo hakikisho. Elle est passée de son mariage ana na hakikisho ndoa yake. Elle est remplie de doutes dans son cœur ndani ya moyo wake mnaza yuko mashaka. Peut-être mon mari pouvait me chasser ena waja kama na zingine siku mwa bwanangu ataniandama. Ce comportement-là Dada, il est amène habillé. Toujours les gens à se compromettre et à mal agir, à agir faussement. On voit ces choses aussi comme ça. Dieu a placé quelqu'un dans l'église. Mungu anaweka mtu mkazi mkanisa. Il est dans l'église. Anamupa kazi mkanisa. Il est pasteur. Na zingine eko pastori. Il est ancien. Eko mzee. Il est diacre. Eko shemaji. Il occupe un office dans l'église. Ao eko na kazi fulani mkanisa. Mais dans son cœur. Lakini muro yake mungu. Satan vient le tromper comme si. Anakuwa kumulanda kama. Ce peuple ici ne m'aime pas. Aba bantu abanipendi. Un jour ou l'autre, siku moya, je perdrai mon office. Mie, mita poteza kazi yangu. Et cela ira à quelqu'un d'autre. Na ile batampachayo mtu mwingine. Avec de telles inquiétudes, na ile manunguniko ya vile, quelqu'un commence à faire ses propres calculs. Mtu anaanza kufanya mahesabu yake mwenyewe. Loin de la volonté de Dieu. Bali na mapenzi ya Mungu. Et loin de la parole de Dieu. Na mbali na neno la Mungu. Il commence à faire de la politique dans l'église. Yeye mwenyewe kwa kisiasa mkali. Pour se maintenir dans un office. Ya yeye apate kujichunga ndani ya kazi. Pour se maintenir dans le mariage. Kujichunga mdoa. Pour une responsabilité quelque part. Au madaraka fulani. C'est vrai. Kweli. C'est vrai mon frère. Kweli ndugu. C'est vrai ma sœur. Kweli dada. Ne faisons pas cela. Tusifanye ile. Quand Dieu te donne quelque chose, kama Mungu anakupa kitu fulani, tu dois être sûr. Unapaswa kuwa na hakika kama la volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu. Veut que tu sois là. Inapenda wewe ukue pale. Tu es là dans le mariage. C'est pas la volonté de Dieu. Alors agissez comme une véritable épouse pour la stabilité et le progrès de votre foyer. Ne vous sentez pas étranger. Non. Ne vous sentez pas mal aimé. Non. Cet homme-là t'avait aimé. Il t'aime. C'est pourquoi il avait abandonné toutes les femmes. Toutes les femmes. Pour te prendre toi et te placer dans sa maison. Vous voyez. Vous trouvez une femme. Elle est mariée. Elle n'est pas sûre de son mariage. Parce qu'elle fait soupçonner quelque chose. Ou elle soupçonne son mari. Ah ouais, wajia bwana yake. Il peut lui être infidèle. La femme commence maintenant à voler l'argent. Anaanza kuiba mafuta. Il fait aussi ses calculs. Anafuata ma calcul. jusqu'au jour où son mari découvrira son erreur pour lui ôter la confiance. Voyez, ne faites pas cela. Voyez quelqu'un, il est placé comme un ancien à l'église, on lui fait confiance comme prédicateur dans l'église, il n'est pas sûr dans son cœur, il n'est pas sûr ici à confiance en moi, il commence à faire des calculs, pour avoir un groupe de gens derrière lui, pour qu'un jour, le pasteur pourra me priver sa chair. Et il fait de mauvais calculs. N'agissez pas sur base des émotions, n'agissez pas sur base des inquiétudes, n'agissez pas sur base de la peur. La peur conduit toujours les gens à mal agir. La peur conduit les gens à commettre de grandes fautes. Les inquiétudes, l'incertitude de ce qu'on est. Manunguniko. L'incertitude. Kukosa tumaini. De ce qu'on est. Kukosa atikisha kile uko. L'incertitude de ce qu'on est. Kukosa atikisha kile uko. L'incertitude de ce qu'on a. Kukosa atikisha kile uko nakyo. Conduira toujours les gens. Inaongozaka wakati wote bantu. À mal faire les choses. Ya kutenda mubaya bintu. À se compromettre. Ya kujifanyisha mubaya. À pécher. À pécher. Vous voyez, et à s'éloigner de la véritable bénédiction. Na kwenda mbari ya baraka mkubwa. Bien aimés frères et sœurs, je vous en supplie au nom du Seigneur, n'agissez jamais sous la peur. Non, bien aimé frère. Non, bien aimé sœur. N'agissez jamais sous inquiétude. Non, bien aimé frère. Non, bien aimé sœur. Soyez sûr de ce que Dieu a fait de toi. Et comprenez que c'est la volonté de Dieu. Que tu sois là où tu es. Que tu fasses ce que tu fais. C'est pour la gloire de Dieu. Ce que toi tu dois faire, soyez sûr que vous êtes dans la parole de Dieu. Soyez sûr que tu fais la volonté de Dieu. Soyez sûr que tu fais ce qui est agréable à Dieu. Tu es fidèle à Dieu. Si tu es fidèle à Dieu, tu fais la volonté de Dieu. Reste calme. Ne sois pas agité. Ne craignez rien. Dieu lui-même, c'est sera ton bouclier. Amen. C'est vrai. Kweli, Dieu lui-même sera ton défenseur. Il n'y a rien de mal qui t'arrivera. Aucun malheur ne t'atteindra. Parce que Dieu lui-même met un camp autour de toi. Il a déjà construit sa tente. Dieu a déjà construit sa tente à côté de toi. Il met sur toi toute une nuit pour te protéger, pour te bénir, pour te sécuriser. Parce que tu fais sa volonté. Et lui aime te voir en paix. Il aime te voir heureux. Il aime que tu prospères. C'est vrai, frère. C'est vrai, sœur. Mais je revois. L'église est avec moi. L'église est avec moi. Est-ce que vous suivez? Ou c'est la paix qui dérange? Ah, on vous. C'est vrai, frère. Je vais m'arrêter. Je vais continuer. Au nom de Jésus-Christ. Mujina la Jésus-Christ. N'agissez jamais sous l'influence de la peur. Mushitende kamwe kwa uvuto wa boka. En tant que fils et fille de Dieu, kama vile bana na babinti ya Mungu, aussi longtemps que tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, wakati yote wewe unajua kama uko mapenzi ya Mungu, n'agissez jamais sous l'effet des inquiétudes. Kwa kusukumiwa na manunguniko. Les inquiétudes manunguniko amènent à nous inaleta ndani yetu fausse méditation, kutafakari kwa mauvaise pensée, mawazo ya bongo, éloigne de la volonté de Dieu, kunatuendesha mbali na mapenzi ya Mungu. Ne méditez jamais, usianze kuwazia kamwe, des choses contraires à la parole de Dieu, vitu vya kwa kipindupindu na neno la Mungu, sous l'effet des inquiétudes, kufuatana na manunguniko. Jeroboam était très inquiet. Jeroboam yaranza kunungunika sana. Très inquiétude. Manungunipo. Ne venez pas de Dieu. Ai kwanza kutokea kwa Mungu. Très inquiétude. Manungunipo. Venez de lui-même. Ilianza kutokea ndani yake mwenyewe. Parce qu'il avait peur. Juu alikuwa na boko. C'est peur de la royauté. Ashipotesha ufalme. Frère. Donc, ma sœur. Dad. Soyez sûr que tu es élu de Dieu. Uwe na hakikisho kama uko mteule wa Mungu. Que tu ne te perdras jamais. Amen. Le Dieu du ciel t'a choisi pour le bonheur. Il a déjà fait des projets de bonheur. Dieu n'a pas de projet de malheur sur nous. Soyez sûr de cela. Tu es ici, non pas par ton vouloir, mais tu es ici par la volonté de Dieu. Tu crois ce message, non pas parce que toi tu l'as cherché, mais tu crois ce message parce que Dieu t'a cherché. Et Dieu veut faire de toi un élu de cette génération dans cette cité de Kambo. Ne soyez pas inquiets, n'ayez pas peur. C'est pourquoi quand vous voyez ta vie, Dieu t'a quitté, t'a sorti. Mungu alimutosha. Tu as quitté des fois des endroits, des endroits éloignés. Mungu alikutosha mambo ya mbali. Là où tu n'avais même pas la parole. Hakukwata neno. Et Dieu t'a conduit. Mungu anakuongoza. Tu as passé de ville en village. Et tu t'es retrouvé ici à Kambo. Dieu te place là. Mungu anakuweka. Où tu dois être nourri correctement pour ta préparation afin d'être enlevé. Ya kwenda ku mbingu. Ne regarde pas à gauche à droite. Usiangalie kushoto au kulia. Prenez que tu es un bien-aimé de l'Éternel. C'est pourquoi il te révèle sa volonté. Ne promène pas les regards inquiets. Comme disent les Écritures. Ne soyez pas inquiétés. Restez dans la volonté de Dieu. Restez dans la volonté de Dieu. Le reste, celui qui t'a appelé, celui qui t'a appelé, il est fidèle. C'est vrai, frère. L'enlèvement, il est votre. Tu iras dans l'enlèvement, non pas parce que tu l'as voulu, parce que lui l'a voulu. C'est pourquoi il a versé son sang pour que tu aies dans l'enlèvement. Ne soyez pas inquiets. N'agissez pas sous l'émotion. N'agissez pas sous la peur. Quand les gens s'inquiètent, les gens s'agitent, restez calme. Reposez-vous sur Dieu. Soyez fondés sur la parole. Vérifiez tellement tes pensées. Vérifiez tes sentiments. Vérifiez ta foi. Si elle est conforme à la parole, à la Bible, et à la parole révélée, restez tranquille. La victoire viendra de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous pour la prière. Oui, bien-aimés frères. Oui, bien-aimés sœurs. N'agissez jamais sous l'émotion de la peur. Non et non et non et non et non et non et non. Reste fidèle à Dieu. C'est vrai. Reste fidèle à Dieu. Vivez la parole de Dieu. Honorez la parole de Dieu. Et le reste, Dieu s'en occupera. C'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en vous. C'est lui qui l'amènera à l'achèvement. Ce n'est pas ton affaire. C'est l'affaire de celui qui t'a élu. Voyez, parce que ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Voyez ce qu'il a justifié. Voyez, il les a glorifiés. Merci. C'est pourquoi notre Dieu est bon. N'ayez pas peur. N'ayez peur de rien. N'agissez pas sous l'émotion. N'agissez jamais sous l'émotion de la peur. N'agissez jamais sous l'émotion de l'inquiétude. Soyez sûr que c'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a placé là. Et Dieu lui-même s'occupera de toi. Prions-nous tous ensemble.